19.37. Observation. Adverbe et adjectif. Général. Général. Généralement. Naturel. Naturel. Naturellement. Malheureux. Malheureuse. Malheureusement. Obligatoire. Obligatoire. Obligatoirement. Notez que beaucoup d'adverbes sont formés en ajoutant « ment » à la forme féminine de l'adjectif.